Vous écoutez Fresh Air, radio communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and Saint-Paul and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Freddy. Comment ça va? Ben, ça va et toi, Romain? Eh ben, ça va, ma foi, ben, when we're in the studio. So. Yeah, donc, I'm really good. I mean, it was 45 today. I know. 45. And it's going to be 56 or 58 next sometime this week. That was crazy because I got a big headache and I came home early from work and I had to lay in bed, so I didn't see the light of day. So I completely wasted. But so tonight it's going to be a special Victoire de la Musique. Oh, yeah. That was 2 weeks ago? Yeah, two, 3 weeks ago. And it's the equivalent of the Grammy Awards. So a lot of, like, you know, recent bands and stuff. Mm-hmm. But before that, We're gonna play two songs from Johnny Montreuil. Très bien, oui, c'est so we're gonna have a set like just before les Victoires de la Musique. So two songs from Johnny Montreuil, and the other song is gonna be from HK. Il vous appartient de vivre. HK. Ouais. Ok. Or HK. I mean, you can pronounce it the way you want to. HK. HK, yeah. Eh ben, c'est parti. All right. En voiture, Simone. On y va. I didn't say, but the two songs from Johnny Montreuil is Ses Amours, featuring Baz Baz, and Kik va ranger ta chambre, featuring Gumbaye Kouyaté. Ah, and oui. Kik is the harmonicist. Oh, ok. And go, you know. Cool. Go take care of your room and something like that. It's from his new album, Zanzibar. C'est parti. On y va. À l'avant, jeté par la fenêtre. Elle ne le verra plus, elle ne le verra pas. Déçue, déçue par celui qui n'existait pas. Ses amours, elle les rêve toute seule les nuits d'hiver. Elle leur donne des noms qui s'écrivent à l'envers. Sur leurs yeux, sur leurs lèvres, dépose un sourire qui, quand le matin se lève, déjà veut s'évanouir. Comme elle peut, elle attend qu'on la touche quand elle veut. De belle nuit torride lorsqu'elle sourit un peu. En belle nuit assise, elle voit tout en bleu. Ses amours, elle les pleure quand elle n'en peut plus. Elle est dans sa gorge, le pont de la flingue la tue. C'est pourquoi la voyez en lui dans le matin. Ça change tout ça, qui fuit entre ses mains. C'est pourquoi vous la voyez en lui dans le matin. Ça sent la douceur qui file entre ses mains. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, parti subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza. Que ton nom soit interdit, Gaza, Gaza. Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza. Qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza. De tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza. À ne jamais disparaître, Gaza, Gaza. De cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza. De ce pays, de tes ancêtres, Gaza, Gaza. Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza. Aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza. Et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza. Enfant qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza. Qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza. Qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza. A perdu son humanité, Gaza, Gaza. Son honneur et sa dignité, Gaza, Gaza. Tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza. Tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza. Et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza. Au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza. Comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza. Une toile, un cerf-volant, Gaza, Gaza. Inscrit dessus en toutes lettres, Gaza, Gaza. Les derniers mots de ton poète, Gaza, Gaza. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre. Que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir. Que ma mort devienne une histoire, que ma mort devienne une histoire. Voilà, voilà. Voilà, we are back and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. Yeah, and this is Freddy. And Romain. And what did we just listen to? So we had two songs from Johnny Montreuil. Johnny Montreuil is, you know, not only Johnny, it's also his friend in his band. And they have a new album called Zanzibar, available into the best place to buy it. So I get it on Cobus, but it's also on Amazon and things like that. Zanzibar, and the first song we listened to was Ses Amours, His or Her Loves, featuring Baz Baz, and the second song was Kik va ranger ta chambre, and it's a little bit what we say to kids, to little kids, you know, like, go clean up your room, and Kik is his harmonicist in the band, and he's not. He's like in his 50s, and that's funny. featuring Gimbaya Kuyare, and the third song we just listened to was Ashke, Ashka, And it's the song, the name of the song is Il vous appartient de vivre. It's you, it's your responsibility to live. And it's better, I don't have the name of the poet. I think I should, maybe. No, I don't have it here. But it's a Palestinian poet who wrote this text. And shortly after he died, being bombed by Israeli bombs. So the song was, I mean, his text was translated in French and it came up, the song from Ashki. So that was pretty good. Mm-hmm. I really liked it. Yeah. Ashki is very sensitive about this kind of stuff, so about injustice in general. So we're going to keep on listening, and now we're going to move on to Les Victoires de la Musique, the equivalent of the Grammy Awards. And I put them more by style than, I didn't try to follow exactly the lineup and the things like that. I put them more by style. And we're going to start with Zao de Sagazan with La Symphonie des Éclairs. But she won for plenty of things. I mean, she Feminine Revelation and concert and album, I think. And so one more, I think she had four Victoires. She won four, I think. I need to look up. Of course, I didn't bring my spreadsheet where I recorded all the winners. Then we're going to listen to a song we have listened to not that long ago, but it's still a great song. It's Tirer la nuit sur les étoiles. And it's Etienne Dao. Etienne Dao and Vanessa Paradis. Etienne Dao was nominated several times for album and Artist of the Year. And then we're going to listen to Vianney et Janie with Ne me changez pas. Don't change me. Ok, eh bien c'est parti. On y va. Au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer, franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Et moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la

qu'elle est abîmée. Gamin, gardien, roi de l'insouciance, je veux te garder. Gamin, reviens, vois mon innocence, qu'elle est abîmée. Gamin, gardien, roi de l'insouciance, je veux te garder. aad leedahay calaamadaha cudurka COVID-19 oo na laga helo ama aad la kulantay kiis la yaqaan oo ah COVID-19 waxaad xaq u leedahay barnaamijka caafimaadka ee COVID-19 ee gobolka. Barnaamijkan bilaashka ah wuxuu ku ogolaanayaa inaad kala hadasho dhakhtar online-ka ama telefoonka. Waxaad kala hadli kartaa ikhtiyaarada daweynta, waxaadna qabanqaabin kartaa in dawooyinka lagugu keeno gurigaaga, oo waxaas oo dhan waxaa laga sameeyaa online-ka. Waxaad daaweynta ka heli kartaa care.qhealth.com ama waxaad isticmaali kartaa Q-Health app. Taas waa Q, waxaa loo hikaadiyaa A-U-E ama C-U-E. Barnaamijka COVID-19 Telehealth waxaa bixiya waaxda caafimaadka Minnesota iyadoo la kaashanaysa Q-Health. Voilà, voilà. We are back and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Yeah. So what did we listen to? Well, we listened to three songs. The first one was from Zao de Sagazan, pardon, with La Symphonie des Éclairs. And she had like best album, best concert, best a lot of things. Then Etienne Dao and Vanessa Paradis with Tirer la nuit sur les étoiles. And Vianney et Jani with Ne me changez pas, don't change me. And as a reminder, except for the first three songs, now we're listening to songs or artists who've been nominated to Les Victoires de la Musique 2024, yeah. But really covering the 2023 year, so which is the equivalent of the Grammy Awards. And there was no Taylor Swift. No, I mean I think they used to. They used to a foreign category. Yes. Because I mean, like for the past 3 or 4 years that we've been doing that here, looking, there was only like French artists or artists singing in French because there's been some. No, I thought there was at one point a foreign category. You can look. And then we're going to keep on going. So stay with us. And we're here until 10 o'clock every Tuesday. And every Tuesday we have like different theme. And if we don't, we just play music. Sometimes we have guests, which hasn't happened for a little bit. So we should do that one of these days. But to keep on going with Les Victoires de la Musique, we're going to listen to Gazo, who was also with Tiakoli and Scred. With AVSD, it's from the album Le Mélo et Gang X. Then we're going to listen to Damso, who was nominated for the Best Live. Actually, it was not the Best Live, it was the Best Video. And the song we're going to listen to is Cœur en Miettes, so heart in... That shattered, basically. Yeah, shattered, crumble. Mm. And it's featuring Loose and the Yakuza, and it's a live version. And Josman with Les Flammes, The Flames, and it's about love. All right. Eh ben, c'est parti. On y va. Certificat des Batman, on est poursuivi par les Batman. Certificat des Batman, la vibes enfoirée. Dis-leur qu'on arrêtera pas, non. Ses propos sont assez clairs. Elle veut côtoyer les Batman dans le secteur. Ah, aïe aïe aïe, ah, aïe aïe aïe, c'est évident que je reste entier. Pourquoi vivre avec des regrets? Protéger ma life en secret. Si ça dégaine, reste en retrait. Fallait bien qu'on reste loin d'eux. Protéger ma life en secret. Et je suis silencieux. Comme mon âme a fait, baby. Protection métal, je montre abeille comment nettoyer. Business est illégal, combien on finit étalé. 10 000 ça peut tarder, 20 000 et ça l'éteint maintenant. Son âme est séparée, son corps en mode déconnexion. Ouais j'ai ça en moi, j'ai ça en moi. Quand je suis sous pestu, j'oublie leur prénom. Baiser veux-tu? Juste essayons, je veux pas te faire de flûte, bien sûr que non. On est poursuivi par les Batman. Le cœur en miettes, je dois l'admettre. Mes contraintes, mes échecs me montent à la tête. J'ai réussi, je n'ai plus de quête. Je n'ai plus de dette. 4 secondes pour 100 mètres. Fais le gamos que j'achète. Les souvenirs de ta schneck sont tout ce qu'il me reste. Négro, arrête. Je dormais sur le bitume. Je ne compte plus le nombre de siestes. Donc viens pas me parler ta haisse. Non, non. J'ai passé des moments durs et des moments seuls. Mes pleurs et des sanglants. Mais laissant des combattures, rue des épreuves, des blessures en tombe. J'ai pas de répondre. Surtout parce que je m'en bats les cœurs. Corona, la lèpre. L'Afrique cesse pas de renaître. Je suis parti en courant. Aux mains en l'air, pas un geste. Cellule encombrante. Easy lonely. Easy lonely. We'll be right back. jeune et borné. Je traîne sur le corner, j'ai le tourné chaque journée. Je garde le temps et l'heure retourner. Ma petite voix me dit d'y retourner. J'ai regardé le ciel dans les yeux, je lui ai demandé pardon, mais va-t-il me l'accorder? Les flammes dans les yeux brûlent ma cornée. Des regrets, j'en ai so much, des secrets, les murs s'étonnent. Des efforts, j'en ai fait so many, mon cœur pèse des tonnes. Anytime, j'ai dû partir, fuck les frontières des hommes. Midi pile, j'sors du sauna. Minuit pile, j'soigne mes traumas. Le temps file, j'tape un coma. J'suis fatigué de cette life. Les feuilles qui meurent et qui tombent. Trop de larmes qui fondent. Car les flammes dans mes yeux s'allument quand j'suis solo la night. Dans les yeux, j'ai des flammes. Des flammes, des flammes, des flammes, des flammes. J'peux pas déclarer ma flamme. Bébé, j'ai perdu la flamme. J'essaye d'éviter les flammes. Les flammes, les flammes. Si je t'ai fait du mal, désolé, c'est pas intentionnellement. Trop personnel, non, c'est tes défauts, j'en ai tellement. J'essaie juste de rester honnête et rationnel, non. Des étincelles plein les yeux, des étincelles plein les yeux. Jeune et borne, je traîne sur le corner, j'ai le tourné chaque journée. Je garde le temps et l'heure retourne. Ma petite voix me dit d'y retourner. J'ai regardé le ciel dans les cieux, je lui ai demandé pardon, mais va-t-il me l'accorder? Les flammes dans les yeux brûlent ma cornée. Les flammes dans les yeux brûlent ma cornée. J'ai demandé pardon, va-t-il me l'accorder? Malgré le chemin désaccordé, on était des derniers de cordée. Je voulais voir ma maman de diamant orné. J'étais pas encore né, j'étais déjà borné. J'ai trimé, j'ai fait des corvées. Demande à ceux qui sont près de moi, ils étaient là. Quand c'était corsé, là j'suis débordé, là j'suis débordé. Le temps ne me lâche pas d'une seconde. J'attends le gong, je sonde les ondes, moribondes. Des feuilles qui meurent et qui tombent. Beaucoup de larmes qui fondent à cause de la chaleur des balles et des bombes. J'entends le tonnerre qui gronde, les cris de douleur du monde. Les flammes dans les yeux brûlent ma corne et mon iris et ma rétine. Je ne vois que du feu, je ne vois que des flammes, je ne vois que des flammes. J'ai des brûlures dans l'âme, le corps, le cœur et les yeux. Le temps ne me lâche pas, le sang ne passe plus. Je ressens les fourmis, je fume, j'ai le tournis toute la journée. Combien de fois j'étais au sol et ma petite voix m'a dit d'y retourner? Combien de fois j'ai douté, douté, douté de moi, douté de toi. Dans quel état je me demande, dans quel état je me retrouverai au bout de la route? Combien ça coûte, bel et court tour de flammes ou de bâton? On paye le prix de nos actions, je repense à tout ce marathon, seul sur le bal. Jeune et borné, je traîne sur le corner, j'ai le tourné chaque journée. Je garde le temps et l'heure retourne. Ma petite voix me dit d'y retourner. J'ai regardé le ciel dans les yeux, je lui ai demandé pardon, mais va-t-il me l'accorder? Les flammes dans les yeux brûlent ma cornée. Dans les yeux j'ai des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes, des flammes. Je peux pas déclarer ma flamme, bébé, j'ai perdu la flamme. J'essaye d'éviter les flammes, les flammes, les flammes. Dans les yeux j'ai des flammes, des flammes, des flammes. Déclarer ma flamme, bébé, j'ai perdu la flamme. J'essaye d'éviter les flammes, les flammes, les flammes. Si tienes síntomas de COVID-19 y una prueba positiva, o ha sido expuesto a un caso conocido de COVID-19, es elegible para el Programa Estatal de Videosalud de COVID-19. Este programa es gratis y le permite hablar con un médico en línea o por teléfono. Puede hablar de opciones de tratamiento y hacer arreglos para recibir medicamentos en casa sin costo alguno. Y todo se hace de manera remota. Puede obtener tratamiento en care.qhealth.com o usar el app QHealth. Eso se deletrea C-U-E. El programa de videosalud de COVID-19 es patrocinado por el Departamento de Salud de Minnesota en asociación con QHealth. Voilà. Voilà, voilà. We are back again and we listen to three more songs from the Victoire de la Musique. Exactly. So, cher Romain, we just listened to Gazo with Tacula and Scred with a song called AVSD. Then after that it was Damso with Cœur en Miettes featuring Luz and the Yakuza live. And just so you guys know, they are both from Belgium. I mean, Damso, I'm not sure about his background, but Luz has an African background from her parents, but yes, she grew up in Belgium. She is pretty much Congolese, I think. I think, yes. Yeah. I think so. She is. Mm-hmm. And then after that, it was Josman with Les Flammes, where he couldn't declare his flame for his lover because he lost the flame. So I think it's good. I think it's pretty wise not to, if you lose interest, to not declare yourself to someone. So these people were, these artists were nominated for the Victoire de la Musique this year in 2024 for what they did in 2023. And we're going to keep going with that. The next people we're going to listen to. So the first song is going to be from Aya Nakamura with the song called Belek. It's from her album DNK. And then we're going to listen to Meryl, which I didn't know at all. And the song I selected is a song called Cuckoo. And it's not one from 2023, but I didn't find many. And the other file, the other one I found was Jack Sparrow. And this one, Cuckoo, had more lyrics in French. So that's why I picked it. Yeah. And then she was nominated as a, she's a rapper. Yeah. And she was nominated as Révélation. Feminine. Yes. She had also and something stage. Else. And stage. Yeah. Yep. And then we're going to listen to Shay with the song Commando. Okay. All right. On C'est y parti. Va. Ouais. Tu bombes, comment tu fais la meuf? Mais on dirait que tu kiffes le mood. Il me dit comment tu bombes, bombes, bombes. Tu bombes, bombes, bombes. T'es dans le truc, tu fais des trucs de fou. Eh, eh, eh, eh. Beleka, eh, eh, eh. Beleka, eh. Beleka, eh, eh, eh. C'est moi qui sors la guitare et c'est ni au piano. T'entends le piano. À la guette de la piano. Piano, piano, piano. Il veut cacher la vérité, c'est moi. Me choper doucement. Lui, il a la gâchette ou c'est mort. Il veut me trémousser. Tu fais le gang, gang, gang. Mais je sais que t'es chou, chou, chou. Entre quatre murs, murs, murs. Avec moi, t'es chou. Hey. Eh, eh, eh, eh. Beleka, eh, eh, chou. Et là tout, elle a tout. Elle fait le château et partout qu'il est. côté américain. Elle danse comme une rafale de balles, elle me sait sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher les ménages. Elle se fait traiter de salope par celles qui ne pourront jamais faire ça. Les cadres, les bandits dansent en bas des blocs. Oh là là, ça ouais, une classique, elle a mis tout le monde d'accord. Oh là là, libérez-la même dans les plus grandes vallées de mort. C'est Dieu qui l'envoie, on ouvre la bouche seulement pour dire merci. On dit merci. Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout, guili guili. Coucou Lala, la tête, les fesses et la moula. Elle a tout, elle a tout. Ça te fait le château et partout. Nouveau flow pétage, je suis revenu prendre tout ce qu'elle m'ont dit. Joli casse record, j'aime pas mon cul, ni au bolos, ni aux maisons de 17-17, appelle la police, qui rebondit comme un trampoline. A chaque couplet, mes fesses applaudissent. Joli casse, gang, plus gang que hooligan. J'hésite entre la benzo et la taïkan, je crois bébé, je suis polygame. La moitié des rappeurs sont d'occasion, chacun de leurs flots sont des locations. Chaque nouveau son, je fais des donations. Ils veulent me faire, je suis comment. Encore un nouveau sac, bébé, ça passe tes sons que pour vider la boîte. Je veux la garce, il va baisser la garde. Il fait la cuisine, j'ai les pieds sur la table. Petite bitch, voudrait son fit, j'ai les appits. Mais merci pour l'invite, élastique. Mais je vends plus la zipette, j'ai la plastique pour bébé RY. Tentation, affume les pifs, c'est la tentation. Nouveau single est en rotation. Je vais entrer tous les têtes comme plantation. Tentation, affume les pifs, c'est la tentation. Nouveau single est en rotation. Les voix en pièce, c'est ma grande passion. Ils veulent me faire, j'ai comment. Voilà, voilà. And we're back and you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI. Uh-huh. And we're here in the studio with Freddy. And Romain. And tonight is a spécial Victoire de la Musique. The French Grammy Awards. Exactly. Took place, yeah, I think it was like a little over two weeks ago. It was a Friday, like, yeah. Mm-hmm. And so we listened to three songs. Exactly. Which Freddie is going to there's everything about. Well, we listened to Aya Nakamura with Belek. Then after that, it was Meryl with Cuckoo. And just now was Shay with Commando. And they are part of the like youngest generation. Mm-hmm. The previous set was also part of the youngest generation, you know, like Gazo and Damso and Jossman. Mm-hmm. And we're going to keep it that way because the upcoming set, we're going to listen to Yame, which I don't know at all. Mm-hmm. But same here. The song Ket was the best song, was competing for the best song of the year. Ket like Ket, like the quest. Mm-hmm. And Pierre de Maer with Enfant 2. Ah oui. And Julien Granel with Plus Fort. Mm-hmm. And you told me you've seen Julien Granel live. Yeah, and I saw him like a week after Pierre de Maer, actually. Mm-hmm. And yeah, Julien Granel, he opened for Big Flo and Oli. And I can really understand why he was nominated for Best Live Performance. Mm-hmm. It's just unbelievable. Yeah, he's pretty... energetic. I mean, That's the least we can say. Yes, this song is called "Plus Fort," like stronger, and it's a very representative song of what he does. So, all right. Eh ben, c'est parti. On y va. Super. C'est parti. Baby, me chante la mélodie et voit que la moula du Katanga. Chapeau a changé de niveau, c'est bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Tu passes au log 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supportes, passe pas les logs. Et en grosse pécane, on dragon, même avec le brown loot. Code négé sur le switch avec balle en plein. J'grandis plus. Ma chaîne des combats de daron. Il le vois-tu? C'est carré seulement si c'est pas où. Zéro. Ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Nos schémas vont les rendre paro. Pas cassé, viens pas faire le mot là, ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là, m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets, tu passes pas la mi-temps. La petite fait un jeu que je la ouette pour qu'elle se complète, je la capte comme un deux-temps. Petit, faut pas que je reste, la famille m'appelle, la douleur est présente. Ah, mais pourquoi tu quêtes? Je suis dans ma quête. Il n'y a pas de stress. Tu sais qu'on les blesse. Ouh, ça bégaye en brut. Je parle que le net. Grosse tempête à la Hesse. Baby, me chante la mélodie. joue, peu importe de gagner la vie. C'est additionner les années, et tant pis. Y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien ne nous arrête, on est plus fort que ça. Laisse passer la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort. Les avis, j'encaisse. J'ai additionné les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amitiés qui durent, et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire, et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir, et ça ira. Laisse passer la tempête, on est plus. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis and St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons ou à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com. Et voilà, voilà. So, we have a special tonight. It's a special victoire de la musique, the equivalent of the Grammy Awards. And that's what we've been listening all night long. I remind you that all the shows are archived. So if you miss the beginning, you can always go back to kfai.org. You go to listen or to the archives. And if you go to listen, you can look for Bonjour Minnesota and catch up on the show. Mm-hmm. Because it's like 2 hours that's being, you know, yeah. Listen. Recorded. So we just listened to three songs. The first one was from Yame with Kate, and then Pierre de Mer with Enfant Deux, and just now was Julien Granel with Plus Fort, Stronger, from his album Couleur. Mm-hmm. Kind of a mix between cool and couleur. Oui. Yeah, pretty nice. Mm-hmm. And we're going to keep on going all night long. So, all right, maybe we'll stop at 10 for Balkan Jamboree. Yes. Yeah. We have to share. Mm-hmm. I think we have to go home and maybe sleep a little bit. Yeah, we have day jobs. Yeah. As a reminder, KFAI is a listener-supported radio, and most of the DJs are volunteers. Mm-hmm. So we're here just for the fun of it. Mm-hmm. And then I was talking about the Saint-Saint-Denis. I read an article in the New York Times, and they are really hoping that they're going to be having a Village Olympique in Saint-Denis. Mm-hmm. So in the city of Saint-Denis and Saint-Ouen. And they are really hoping that it's going to be changed in apartment after the Olympics. And 40% is going to go for like affordable housing. Mm-hmm. And they are really hoping that it's going to be helping the suburb. Nice. With like businesses and of course. Offices mm-hmm. and things like that. So hopefully that's going to do some good. Oui. All right. We're going to listen to an artist who's been nominated, but she's not new, but she was nominated as a Véronique Sanson, artist feminine. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Well, she's not new. That's for sure. That's for sure. My dad worked at her apartment one time. I think. Oh. Yeah. When he was still working in in construction. Mm-hmm. So we're talking about like early '70s. Yeah. But we're gonna listen to Véronique Sanson and Funky Fresh League. So Funky Fresh League, they are French mm-hmm. and funk. And they are funky. And yes. And they are league. Yeah. And they are doing remix of like older, like 70s songs, mm-hmm. A little bit more funky. And the name of the song is Chanson sur ma drôle de vie. Ah bah, and mm-hmm. it's a remix. So we're going to listen to that. And then we're going to listen to Nuit Incolore mm-hmm. as a revelation. Yeah. And we're going to listen to Bête Noire. Oh, Bête Noire is like kind of scapegoat? No. No? No, the, like the Bête Noire is... The bad... The ugly duck or the bad duck? Yes, but... Someone my Bête Noire is more like someone that you really don't like because... Almost like a bully. Mm-hmm. Or I mean, it's not exactly a bully, but it's that same. Yeah, it's definitely something. Because scapegoat is different, and like the l'oiseau de mauvaise augure, or it's something it's not, else. Okay, and it's featuring Sue the Kid, and then we're gonna listen to a song in English because he has no songs in French, but we have Aimé Simone with Oh Yeah. So this song is going to be in English. We'll have another one in English too, which is pretty rare for us, but between him and Jane, they don't have songs in French, so we still wanted them to be represented. So, mm-hmm. all right, on y va. C'est parti. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Doigts. rappelle pas quand je suis proche du Styx. J'essaye d'écouler mes jours fatidiques, loin d'être un phénix. Personne m'attendra sur l'autre rive. Mes yeux dérivent contre le ciel, tournent en ritournelle, à la recherche d'un somnifère pour contrer l'hiver. Je donnerai beaucoup pour tomber en enfer, pour en apercevoir de moi l'envers. J'attire la foudre, j'attire les bêtes noires. C'est dans l'art de décevoir. Même l'ambition ne me répare pas. Ça m'emprisonne bien loin de toi. Si tu m'appelles un soir d'hiver, je te répondrai sûrement avec 3 grammes dans le sang. Ma belle, ouais, la vote connaît plus qu'elle était au contact de ma bouche. J'ai perdu le coup de la fête. J'suis perdu dans mes cauchemars. J'ai du cardio mais ça fait long time que j'ai mal. J'ai pas non plus à qui le dire. J'ai perdu ma confidente. J'te donne ma confiance et toi t'en fais des confettis. J'attire la foudre, j'attire les bêtes noires. J'attire les bêtes noires. C'est dans l'art de décevoir. Même l'ambition ne me répare pas. Ça m'emprisonne bien loin de toi. J'attire la foudre, j'attire les bêtes noires. C'est dans l'art de décevoir. Je sais plus comment faire. Thank you. Voilà, we are back. Indeed. After three more songs from the Les Victoires de la Musique. Exactly. Which were? Well, the first one was from Véronique Sanson with Chanson sur ma drôle de vie. But I picked the funky Fresh League remix. So Funky Fresh Leagues, they're on Bandcamp and they are doing remixes on a lot of different artists. Yeah, like Françoise Hardy also. I mean, some pretty cool stuff. Then after that, it was Nuit Incolore with Bête Noire featuring Tsu the Kid, and it's from his new album, La Loi du Papillon. Mm-hmm. And then just now was Aimé Simone with Oh Yeah from his album Oh Glory, which I got on Bandcamp. And I saw an interview of him, and he was saying that Aimé and Simone were the first name of his grandparents. Mm-hmm. And that's why he chose it. Yeah. But yeah, he has like tattoos on his face, and he has like a fake tooth that is either gold or silver. Mm-hmm. And he's quite, he's atypical. Exactly. He's not your average person, but it's pretty cool. I like what he does. All right. Now we're going to talk real quick about the events. It's going to be fast because there's not that many. But Les Navigateurs de la Littérature are going to be tomorrow, February 21st. And it's a book club and it's online. And for the month of February, they'll be discussing the novel Mercure, 1998 by the Belgian author Amélie Nothomb. And if you want more specifics, you can go to afmsp.org. Coming up on Friday, February 23rd, between 6 and 8 p.m., it's at the Alliance Française itself. It's the Night of Ideas. And the Alliance Française is located 227 Koufax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And it's organized by the Alliance, but also Villa Albertine. And it's an annual nocturnal marathon of intellectual debates, performances, readings, and more. And it's returning to more than 20 cities across the U.S. Sorry. I had to back out of the mic a little bit. So more specifics on afmsp.org. And there's going to be like guest speakers, several one, and you need to register. There's a donation appreciated, so they can keep on doing more programs like that, but otherwise there's not like a specific cost. Then on Sunday the 25th, between 1 p.m. and 3 p.m. at the Landmark Center, there's going to be the Sunday at Landmark Urban Expedition France. And so the Alliance is going to be there, of course, and the Landmark Center is in St. Paul, and that's going to include musical performance by Francine Roche and Mark Stillman, and as well as Crêpe, available from Label Crêpe, and some other things like cultural things to discover. Nice. So it's the Landmark Center is 75 Fifth Street in St. Paul, Minnesota. Oh, it's across from the other way. Yeah, and on the other side of Méritage, and yeah. So it should be pretty nice. I'm going to see if I can, I don't know, if my kid will want to go or not. And I think that's about it for now. February 29th is going to be like à l'ouest et au sud, dance from Vendée and Gascony. In that folk series, yeah. Exactly. So it's the second session, because before that it was like Le Centre, the middle, and enjoy groovy rondo from Gascony and lively maraîchine from the Vendée. So that is going to be the week after, on the Thursday, February 29th, and it's between 7 and 8:30 p.m. at the Alliance Française. Mm-hmm. And so for more details, afmsp.org. Très bien. All right. Should we keep going on listening to music? Bah oui. Ah bah oui. So we're going to listen to two more songs from Les Victoires de la Musique, some people nominated. So we're going to listen to Jane, who had a very successful album before this one. This one is pretty successful as well. It's called The Fool. And the song we're going to listen to is The Fool as well. And but it's in English because she doesn't do songs in French. Then it's not a cover of Gilbert Montagnier's The Fool. I don't even know the song. Oh, there was his first song that really made him famous. Oh, really? Yeah. I didn't know. In English. Then we're going to listen to Adèle Castillon with a song called Rêve, or Dream. And then we're going to listen to Lou Anne with À quoi tu penses vraiment? What do you really think about? And that reminds me of the meme where you see this couple where the lady is always questioning, I'm sure he's thinking about other women. Mm-hmm. And the guy is always thinking about something completely random that has nothing to do with it. And that's usually funny. Uh-huh. So that reminds me of that. So, all right. Eh bien, on y va. On y va. Walking on the wire from Earth to Venus ground, playing with my balance, I'm not afraid to fall. A rose grows in outer space, I should have known better. Sans cesse dire que je rêve comme dans les films. Plus je te vois, tu m'abîmes. T'es l'objet de mes désirs. On se prendra la main, les yeux rivés dans le noir. On marchera très très loin, puis j'irai pleurer le soir. Je ne veux plus le bonheur, je ne veux que ta détresse. Si pour toi ce n'est pas l'heure, j'attendrai que tu me blesses. Je te donnerai mon cœur, qui ne sera qu'ivresse. Qui fera entrer la peur, un regard et je m'efface. Un regard et je m'efface. Un regard et je rêve. tu m'abîmes, je suis l'objet de tes soupirs. Je te prendrai la main, mes yeux rivés dans l'espoir. Remettrai tout au lendemain la peur de te dire au revoir. Marre d'essuyer mes pleurs, moi comme au cinéma. Je rêve d'amour en douceur, finir heureuse dans tes bras. Je t'ai donné mon cœur, merci pour la dédicace. T'y as fait entrer la peur, un regard et je m'efface. Un regard et je m'efface. Un regard et je m'efface. Se retrouve pas. À quoi peut ressembler la transe quand t'es perdu loin de mes bras? Paris, New York, tu fermes la porte. Dis-moi que ça sera pas trop long, que ça durera le temps d'une chanson. Marseille, Rome, cherche le sérum qui va pouvoir soigner ma peine, qui va soulager la migraine. Se retrouve pas. À quoi peut ressembler la transe quand t'es perdu loin de mes bras? Je me demande à quoi tu penses. Si tu sais que j'ai mal au cœur, que je sais plus comment je danse, que je vois les minutes comme des heures. Berlin, Tokyo, c'est que des mots. J'ai beau écraser mon écho, reste le manque de ta peau. Los Angeles. Tu me laisses, je sais qu'on se retrouvera. Je sais bien que tu penses à moi. Je me demande à quoi tu penses quand nos cœurs ne se retrouvent pas. À quoi peut ressembler la transe quand t'es perdu loin de mes bras? Je me demande à quoi tu penses si tu sais que j'ai mal au cœur, que je sais plus comment je danse, que je vois les minutes comme des. Est-ce que finalement c'est pas toi qui a mal au cœur? Je me demande à quoi tu penses quand nos cœurs ne se retrouvent pas. À quoi peut ressembler la transe quand t'es perdu loin de mes bras? Je me demande à quoi tu penses si tu sais que j'ai mal au cœur, que je sais plus comment je danse, que je vois les minutes comme des. Minnesotan is in the YMCA Hall of Fame, a tour guide at the MIA, and can be seen at almost every arts event in the Twin Cities. 29 Days of Blackness, Minnesota Herstory. Jean Ann Dorotis has had a career as a school teacher, social worker, and for 27 years as a trainer and field consultant with the YMCA. In 1970, Jean Ann was the first African-American woman to become a field consultant with the YMCA. Jean Ann has helped to expand representation of African-American artists and other artists of color through her work as a docent and educator. Also, for the past 60 years, Jean Ann has pursued downhill skiing, a passion that has taken her to every continent except Antarctica. She has collected art for over 60 years and enjoyed a passion for art, dance, music, and theater. The next time you're at an arts event, look for the regal Miss Jean Ann Dorotis in shades of royal purple. 29 Days of Blackness, Minnesota Herstory. Et voilà, voilà. Et voilà, so we're back. And again, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. And before we talk about the songs we listen to, I want to wish Miguel Vargas happy birthday. Because it's today. Mm-hmm. I thought about doing it at the beginning of the show and I forgot. Yeah. I got distracted. I mean, it's never too late. So, happy birthday to Miguel. We won't disclose his age because it's only for friends on Facebook, but so probably a lot of people, but nonetheless. All right, so we did listen to three more songs from people who were nominated to Les Victoires de la Musique. The first one was Jane with The Fool. Then after that we listened to Adele Castillo. Yeah. Who used to be part of the Video Club band. And it was Rêve, or Dream. And just now was Lou Anne with A Quoi Tu Penses Vraiment? What Are You Really Thinking Of? And it's from her album, Sentiments Heureux. Happy Feelings. Yep. And we're going to keep on going. We have another 30 minutes. Yeah. We talked a little bit about the events before, but that was only the upcoming events. Not that I'm going to spend a lot of time talking about it, but just a reminder that in March, it's going to be a busy month as far as concert is going. On March 11, Laetitia Sadier is going to be at the Turf Club. On March 19th, Cyril Aimé is going to be at the Dakota. And she has only one show at 7 p.m., so that's probably going to be getting full very fast. I also learned from Miguel that KFI was going to sponsor. So I'm really hoping we can get tickets for it. And Sunday, March 31st, Kit Francescoli is going to be at the Fine Line. And Kit Francescoli is part of the new wave of French electronic music with French 79 and Fakir and Raccoon and many other artists like that. So cool. I just wanted a little reminder that it's coming up. All right. Should we keep going? I mean, oui, monsieur. Oui, oui. So we're going to listen to Clara Isse. Well, she just sometimes goes just by Isse. And the name of the song is Douce, or Soft, and it's a live version. And I discovered her because in one of the videos she was playing live, she was at the Église Saint-Eustache. Ah oui, chez toi? Yeah, yeah, next to my mom's. And so I just looked and I really liked her voice, and I'm not the only one, I guess. Si vous allez te confesser? Non, I never did that. No confession. Des fessées peut-être, mais pas des confessions. And then Pomme with a song called Un Million. And it's from a tour, L'eau de Consolation. Ah oui. And there's a play on word because it's spelled like L'eau, like a prize. Yeah. And De, like the number. And Consolation, when normally it's D-E and... Yeah, I mean, it's a play on word. And then we're going to listen to Juliette Armanet with Flamme from Brûler le Feu 2. All right? Eh bien, c'est parti. On y va. toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me court, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu parles de ma résilience, mais tu ignores combien je pense que la colère et l'arrogance nous soignent autant que le silence. Tu penses que je maîtrise ma vie, je la déréalise, et quand la peur me paralyse, je chante et j'éloigne la crise. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur. Tu sais, la tendresse est mon guide, mais elle opère en terre aride. Ceux qui m'aiment ont le cœur solide et l'amour des choses candides. Si la mesure nous fatigue, à se sauver on est rapide. Nos chevaux ont les débris et on s'élance dans le vide. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la peine que je cache à l'intérieur. Une saison. chansons d'amour, au piano toutes mes thèmes, au stylo tout mon game. Jour après jour après jour, je ne sais que parler d'amour, toujours le même poème pour te déclarer mon flamme. Tu fais briller ma flamme, tout mon cœur pyromane. Tu fais brûler ma flamme, l'étincelle de tous mes drames. T'as rallumé la flamme, mais comme jamais je crame, oui comme jamais je m'enflamme. Voilà, voilà. We're back. Indeed. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFI Radio. We still have about 15 minutes, a little bit more. And we are always playing music in French for the most part. Tonight we had like two songs as an exception, but we try to represent the French community and the French language in general, even if it's not necessarily from France. So tonight, just now we listened to Clara Ise with Deuce. It was a live version. Then after that, it was Pom, Black and Apple with 1 million or 1 million. And just now was Julien Armanet, Juliette, pardon, not Julien. My son is Julien, but not Juliette. Yeah. Juliette Armanet with Flamme from her album Brûler le Feu. And we're gonna keep on going. So tonight was a special Victoire de la Musique, the equivalent of the Grammys Award in France, but that's it. We ran out of songs, so we're going to listen to new stuff. Except for the first one, we're going to listen to Chaka Ponk with a song called J'aime pas les gens. I don't like people. No. And I really like that song. And they were up for like Best Tour or something like that. And then we're going to listen to Bon Entendeur, and it's a band who's like doing remix of like older songs for the most part. And here they are taking the song Fioma Villa de Nicoletta, and they add some electronic beats and things like that. I mean, it's a remix and it's pretty good. And then we're going to listen to Armarano with Le Vrai Amour featuring Ferdi, and this is a new artist that they just sent me the tube, so the MP3, and I liked it, so good. I'm playing it. Eh ben, allons-y. On y va. Je n'entends rien, c'est sûr. arranger les hommes finales. Pour un billet de chat, pour une paire de nattes, pour une petite accolade. Se méfier à outrance ou se fier aux apparences. Je pourrais faire un carnage, j'aime pas ton dévisage. J'aime pas ton dévisage, replonge ta face dans ton iPhone. C'est fou comme on se sent bien. Avec le compteur à copains, avec le compteur à copains, avec le compteur à potins, je suis déjà loin. Won't you put your crop and hit the road? Sachez que moi quand je balance mon porc, c'est dans un vide ordure. Les gens se soulagent dans de petites aventures. Des lits mineurs anodins, des saccages sans lendemain. J'aime pas les gens, on ne fait pas bon ménage. J'aime pas qu'ils me dévisagent, j'aime pas qu'ils me dévisagent. J'aime pas qu'ils se figurent des promesses, des procédures. En dessous les doigts, au-dessus des lois, aux toucheurs intouchables. J'ai pas le temps et ils n'entendent rien, c'est sûr. Les gens sont toujours ouverts derrière leur fermeture. Won't you put your crop and hit the road, my friend? Won't you put your crop and hit the road, my friend? Don't shoot again, don't shoot again. Won't you put the crop and get the fuck out? Enfants, il faut s'ouvrir au monde, il faut sourire aux gens et te laisser faire comme dirait ta mère. Comme on me disait souvent quand j'étais enfant, qu'il faut suivre le move, même si le mouvement écartait la demoiselle. Comme on me disait souvent quand j'étais enfant, t'as qu'à sourire aux autres, t'as qu'à t'ouvrir aux gens. On finit par s'y faire et se laisser taire. Comme je le dis souvent, j'aime pas tes gosses ni tes parents. J'aime pas les gens. J'aime pas les gens. People! Everybody wanna sit right, right next to me. But I'm a fucking freak, you'll see. Nobody sit like me. Ton palais, c'est trois bouts de tôle, de planches de bois. Un paradis de bidonville. Je n'y crois plus. Je pense qu'on peut le trouver à chaque coin de rue. Des croyances ancrées, des années sans voir le bout du tunnel. Tu n'es peut-être pas la personne que je croyais. Quand je nous regarde en arrière, j'ai un vague souvenir de nos rêves. Était-ce un mirage? De toute façon, si on s'oublie avant, cet été, ça m'ira. Je viens de la banlieue sud de Paris. J'avais le choix d'opter pour un autre virage. Tous les jours, je passe plus de temps à penser qu'à faire. Je me remets en question. J'essaie de choisir un meilleur itinéraire au lieu d'aller au fond. Mais par moments, j'aspire à développer cette énergie. Des résolutions fragiles comme de la céramique. Le vrai amour, ça fait longtemps que je n'y crois plus. Je pense qu'on peut le trouver à chaque coin de rue. Des croyances ancrées, des années sans voir le bout du tunnel. Tu n'es peut-être pas la personne que je croyais. Quand je nous regarde en arrière, j'ai un vague souvenir de nos rêves. Quand cette vie me fait du rentre-dedans, je bouge pas de ma banlieue, je fais preuve de manque de cran. La facilité m'attend, bras ouverts, je te mens pas avec son grand sourire, elle me tente. Tous les jours, je passe plus de temps à penser qu'à faire. Je me remets en question. J'essaie de choisir un meilleur itinéraire au lieu d'aller au fond. Mais par moments, j'aspire à développer cette énergie. Des résolutions fragiles comme de la céramique. Le vrai amour, ça fait longtemps que je n'y crois plus. Je pense qu'on peut le trouver à chaque coin de rue. Des croyances ancrées, des années sans voir le bout du tunnel. Tu n'es peut-être pas la personne que je croyais. Quand je nous regarde en arrière, j'ai un vague souvenir de nos rêves. Voilà, we're back for the last time of the evening. Indeed, we're going to say good night. We just listened to Chaka Punk with J'aime pas les gens. Bon entendeur was Fio Maravilla from Nicoletta. And just now was Amorano with Le Vrai Amour. So, Le Vrai Amour sounds good too. Yeah. So, have a good night. Yeah. Have a nice week, and we'll be in the studio live next Tuesday from 8 to 10. Exactly. Next Tuesday, we have a plan to listen to. It's going to be International Women's Month, so we're going to have songs about women. Well, in two weeks. In 2 weeks. Mm-hmm. Oh, yeah. No, next week is your playlist. Yes, it will be made. Indeed. Yeah. So. Indeed. All right. So, à la semaine prochaine et bonne nuit. Bonne nuit. We're going to leave you with Marlon, a song called Ma Vie, and Prince Lao with Sourire Hautain until we get to go. All right. Parfait. On y va. Au revoir. Au revoir. Pour toi je n'ai que ma vie, ma vie, ma vie. Pour toi je n'ai que ma vie, ma vie, ma vie. À cause de toi je rate ma jeunesse en partie. À cause de toi y'a trop de gens qui sont partis. À cause de toi je deviens pensif tous les soirs. À cause de toi ouais, à cause de toi. J'ai plus quoi voir. Montre-moi la vie en rose avec toi tous les soirs. Si un monde te suffit pas, t'auras qu'à prendre un bout du ciel et puis voler les étoiles. Ma vie, ma vie. Pour toi je n'ai que ma vie. Ma vie, ma vie. Pour toi je vais skipper plein de trucs débiles. Tu m'obliges à mentir, à réfléchir au débit de mes paroles, de mes actes. Je trouve qu'il est pas rose ce message. Je veux pas finir ma vie avec toi. Avec toi, ma vie avec toi, ma vie. Pour toi je n'ai ma vie, ma vie, ma vie. Pour toi je n'ai que ma vie, ma vie, ma vie. C'est toi. Mais j'ai peur de moi-même. Dis-moi au revoir. Non tu seras pas ma reine. Finir ma vie avec toi, ma vie avec toi, ma vie avec toi, ma vie. Pour toi je n'ai ma vie, ma vie, ma vie. Pour toi je n'ai ma vie, ma vie, ma vie.